بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني إن شاء الله للتذكير بآداب قضاء الحاجة. سندخل دوزيام أسيز أوتور دو سنوبل كومبورتمون كو نوزا أبخي الرسول صلى الله عليه وسلم، كي الكومبورتمون دو فير سي بيزوان. إي سوسي في بارتي دو لا بوتي دو سيت روليجيون. Et de comme quoi, et ceci nous montre comme quoi cette religion, il est complète, il est parfaite, et qu'il est le summum du parfait. Ah, et que c'est une, quand on regarde les comportements que nous a légués le messager alayhi salam, qui sont dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est l'un des points pour augmenter notre foi. Et pour, et qui doit nous pousser encore à étudier au mieux les comportements adéquats et les bons comportements concernant cette législation et qui font partie de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Wa min al-adab kadhalik ikhwat al-islam adam al-bawl wasat al-qubur aw wasat al-souq. Al-souq alladhi fihi bay'u an-nas wa shira'uhum. في سنن ابن ماجه من حديث عقبه بن عامر مرفوعا في حديث يقول فيه: وما ابالي أو وسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق. فليس للمسلم ان يقضي حاجته وسط القبور، وليس له ان يقضي حاجته في وسط السوق الذي فيه بيع الناس وشراؤهم. Il fait partie de la noblesse du comportement et du comportement adéquat à avoir quand on fait son besoin, c'est que il n'est pas permis d'uriner au milieu des tombes, ni il n'est permis d'uriner sur les plages du marché. Le marché où les gens vont commercer, on n'a pas à y uriner, comme il nous est interdit d'uriner au milieu des tombes. Dans le hadith rapporté ici par Ibn Majah, qu'il remonte d'Uqba ibn Nafi' d'Uqba ibn Amir, son noble compagnon qui remonte le hadith au messager alayhi salam, dans le hadith il stipule comme quoi, hein, il ne faut pas uriner entre les tombes et sur les places de marché. Ah, ceci est l'un des comportements à avoir et à prendre en considération. كذلك من الآداب لا يبول في الماء الراكد غير المتحرك لما في صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، والبول في الماء الراكد فيه أذية للناس، لا سيما إذا كانوا ينتفعون به في شربهم أو وضوئهم أو نحو ذلك. Et parmi les comportements à voir aussi, c'est qu'il est interdit de uriner dans les eaux distinctes, les eaux qui ne bougent pas. Ce sont des petites retenues d'eau qui ne bougent pas. On n'a pas uriné dedans. Pourquoi? Parce que le hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah de Jabir, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans l'eau stagnante. Et dans le fait d'uriner dans l'eau qui stagne, on fait du mal aux gens. Surtout quand les gens vont venir prendre de cette eau, abreuver leurs bêtes. Ah, peut-être eux-mêmes, ils vont y boire de cette eau, ils vont l'utiliser pour leur obo, pour leurs actes d'adoration. On leur fait du mal. En salissant cette eau. Parce qu'avec le temps, il vient uriner, l'autre il vient uriner, cette eau va, si tout le monde vient uriner, cette eau va devenir impure, va puer. Il va y avoir des mauvaises bêtes, des microbes et ainsi de suite. Donc, regarde comment cette religion, il préserve, il a donné, il préserve toutes les situations. Il n'y a pas une situation qui échappe aux règles de cette législation. Ils ont droit où il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a que des retenues d'eau de pluie. Regarde comment il ne faut pas les gâcher, il ne faut pas les détruire par le fait d'y ruiner, parce que ceci va causer un problème, un grand problème, que ce soit pour les bêtes, que ce soit pour les humains aussi. Il est retenu d'eau, on en trouve beaucoup dans le sud d'Afrique du Nord, etc. Tu as beaucoup d'endroits où les gens vivent avec les retenues d'eau, comme dans beaucoup d'autres pays. Les retenues d'eau, l'eau que l'Allah fait tomber l'hiver, il y a des petites conduites qui vont la drainer vers des trous et vers des endroits où l'eau va stagner, va rester, et les gens vont venir puiser leur eau pour boire, pour leurs animaux ici. Et donc, dans ces cas-là, il ne nous est pas permis d'y ruiner. Et regarde comment cette religion observe les droits de tout un chacun et le bien-être de tout un chacun. كذلك من الآداب عدم استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غائط، لما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، أي تتجهون جهة المشرق أو جهة المغرب، وهذا لمن في المدينة، لأن القبلة جهة الجنوب، واستدبار القبلة يكون لاتجاه جهة الشمال، فإذا شرق الإنسان أو غرب فإنه يكون منحرفا عن القبلة، لا مستقبلا لها ولا مستدبرا لها حال قضاء حاجته. Et parmi les comportements à observer au moment de faire son besoin, c'est que ne pas donner le dos à la Qibla et ne pas faire face à la Qibla au moment où on fait notre besoin. Dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le hadith d'Abi Ayyub al-Ansar, radiallahu anhu arda, dit: quand vous allez faire votre besoin, ne faites pas face à la Qibla et ne lui donnez pas le dos, mais orientez-vous vers l'est ou vers l'ouest. Et ceci pour qui? Pour les gens de Médine. Les gens de Médine, pour qu'ils ne soient pas, qu'ils fassent pas face à la Qibla, et qu'ils lui donnent pas le dos, doivent s'orienter vers l'est ou vers l'ouest en faisant leurs besoins, pour qu'ils soient dans le sens contraire de la Qibla. Et donc, ici, dans ce genre de pays, la Qibla est où? Il est donc sud-est. Donc il faut que tu cherches le contraire du sud-est pour ne pas faire face ni donner le dos à la Qibla. وقد جاء في بعض كتب الفقه ذكروا أن من آداب قضاء الحاجة ألا يستقبل نيرين أو النيرين، يعني الشمس والقمر، لكن هذا ليس عليه دليل، وما ذكروه من علة لذلك ليس صحيحا، وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه رد لهذا القول، لأنه قال: ولكن شرقوا أو غربوا، ومن المعلوم أن الذي يشرق في الصباح يكون مستقبل الشمس، والذي يغرب في المساء يكون مستقبل الشمس، فهذا الأمر ليس عليه دليل، وإن كان قد ذكر في بعض كتب الفقه. Il est rapporté dans certains livres de jurisprudence où le fouqa ont cité parmi les comportements pour ruiner, pour faire son grand besoin, c'est que tu ne fasses pas face au soleil et à la lune. Mais il n'y a aucune preuve là-dessus. Et ce qu'ils ont ramené comme cause, ce n'est pas une cause authentique. Car le hadith qui vient de passer avec nous est en contradiction avec ça. Ça veut dire que le hadith, il dit: orientez-vous à l'est, vers l'est ou vers l'ouest. C'est ça pour prenons l'exemple de Médine. Et donc, celui qui va prendre la direction de l'est le matin, il va faire face à quoi? Au soleil. Et celui qui va faire le soir, va s'orienter vers l'ouest pour faire ses besoins quand il est à Médine, il va faire face à quoi? Au soleil. Donc le hadith ne tient pas. Le hadith ne tient pas, il est en contradiction avec ce hadith authentique qui demande à ne pas lui donner le dos quand on est à Médine et de faire de s'orienter vers l'est et vers l'ouest. Même si ces paroles sont citées dans les à certaines œuvres de jurisprudence, les paroles de jurisprudence, il faut qu'on leur trouve une preuve. Et la preuve, elle est tout simplement dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna des prophètes. Et comme il a dit l'imam Malik, de tout un chacun, on retient et on rejette. On retient ce qui est conforme aux preuves et on rejette ce qui est en contradiction avec les preuves. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة حال قضائه لحاجته داخل الجدران وأخذ أهل العلم ذلك أن الحكم الذي هو عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة إذا كان الإنسان في الصحراء ولهذا يروي مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أنا خراحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس فهو بينه وبين القبلة ناقثة أو بعيرة فإذا كان بين الإنسان وبين القبلة جدار أو ناقة ونحو ذلك لا حرج لكن لو أن الإنسان احتاط ولا سيما عندما بناء المراحل داخل البيوت يجعلها منحرفة عن القبلة il a été rapporté dans certains recueils du hadith un acte authentique du messager عليه الصلاة والسلام à un moment donné à l'intérieur d'une cour à l'intérieur, c'est-à-dire la cour il est entourée de murailles. Il a donné le dos à la Qibla. Il a donné le dos à la Qibla au moment de faire son besoin. Partant de là, certains nombres de sciences ont pris comme quoi le fait de ne pas de faire face à la Qibla ou de lui donner le dos, il est interdit quand tu es sûr, quand tu y dors. Tu n'es pas limité par des murs. Quand tu es dans le désert ou dans un espace, etc. Et il est rapporté aussi de Marwan al-Asfar qu'il a vu une fois le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, qui a fait asseoir son chameau et il a fait son besoin. Et il a mis son chameau entre lui et la Qibla. Et il a fait son besoin en direction de la Qibla. Et il lui a dit, Marwan Asfar, il a posé la question à Abdullah ibn Omar, quand il a terminé, il lui a dit, Ya Aba Abd al-Rahman, il nous a été interdit de faire ce que tu as fait. Il lui a dit, certes, mais ceci, si tu le fais dans un terrain vague, dans un espace, tu n'as pas une barrière entre toi et la Qibla. Et donc, Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il a en face de lui? Il a sa monture entre lui et la Qibla. C'est pour ça que certains nombres de sciences disent, quand la personne, il est entre les murs, ou il est dans une construction, ou alors il a quelque chose entre lui et la Qibla, il peut. Mais la situation, il y a une grande divergence entre les hommes de science. Ibn al-Qayyim ramène plus de 14 preuves comme quoi c'est interdit. Et donc c'est pour ça que d'autres hommes de science disent, pour sortir de cette divergence et pour prendre des précautions, il vaut mieux, au moment de construire sa maison, de faire en sorte que les toilettes ne fassent pas ni ne soit orienté vers la Qibla, ni qu'il soit, ne donne le dos à la Qibla non plus, ni qu'il lui fasse face, ni qu'il l'a. Autrefois, les maçons, les vieux maçons du Maghreb, et un petit peu du monde arabe et du monde musulman, ils prenaient la précaution jamais émettée, chaque fois qu'ils allaient faire, au moment de faire les trous ou les places réservées aux toilettes, ce qu'on appelle le canif, ben il l'orientait toujours dans le sens contraire de la Qibla, en sorte que quand la personne rentre dedans, jamais il donnera ni son dos, ni sa face à la Qibla. Maintenant, il faut être derrière les maçons pour leur faire rappeler, etc. Ou bien même dans vos appartements ici, certains, ils peuvent changer. C'est-à-dire, des fois, c'est juste le tuyau là de la fin, qu'il faut tourner. Et après, tu le remets au moment de l'état des lieux. Si tu quittes les lieux, tu le mets, si tu peux. خلاص. دونك مي اون تولي كا لا سيتياسيون اي اون ديفيرجونس انتر لو زوم دو سيونس. Ah, il y a certains qui ramènent, Ibn al-Qayyim ramène plus de 14 preuves, il dit, il n'y a pas de différence, ni entre l'espace, ni entre l'intérieur. L'interdiction, c'est interdit, c'est interdit. Et il réplique à ce qu'a fait Abdullah ibn Omar, parce qu'Abdullah ibn Omar fait partie de ceux. Il est celui qui a rapporté le hadith où le Rasoul a fait, a donné le dos à la Qibla. Parce qu'il est monté sur le toit. De la maison du prophète, à ce moment-là, son regard est tombé dessus. Hein? Et certains nombres de sciences disent, ça c'est un acte à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais sa parole, il concerne toute la communauté. Son acte, il lui est particulier, et la parole, quand il ordonne quelque chose, il interdit quelque chose, ça concerne toute la communauté. Le muhim, la situation, il y a une grande divergence entre les hommes de science. Sur le fait la construction en dehors de la construction, etc. ومن الآداب عند قضاء الحاجة الاستنزاه من البول أن يستنجي من البول ورشاشه أو أن تصل إليه النجاسة إلى بدنه أو أن يثير عليه من رشاش البول أو نحو ذلك يستنزه من البول عند قضائه لحاجته. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فمن أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، ومن أسباب أيضا عذاب القبر المشي بالنميمة بين الناس، وفي هذين الأمرين من الإثم وما يتعرض المسلم بفعله له إلى العقوبة. في partie des comportements au moment où on fait son besoin, c'est qu'on doit se protéger de l'urine et de l'éclaboussement de l'urine. Et au moment et que l'urine ne touche pas nos vêtements ni nos cuisses, etc., que ça ne goûte pas sur nos cuisses, etc., ou sur notre corps. Nous devons, au moment de faire notre besoin, de faire très attention à ça. Il a été rapporté dans les authentiques, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté d'un cimetière, il a entendu, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait entendre le châtiment de deux personnes qui se faisaient châtier dans leur tombe. Et il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils se font châtier sur des choses qui ne sont pas grandes, c'est-à-dire ils ne sont pas grandes vis-à-vis des gens. Mais ils sont énormes parce qu'il en découle un avertissement énorme et un châtiment. Il dit, un parmi eux, c'est-à-dire ne se protégeait pas de l'urine. Et l'autre, il marchait au milieu des gens, pas en colportant, pour dire, pour faire disputer les gens et pour créer la zizanie, la haine entre les gens. Et donc, fait partie des causes du châtiment de la tombe, c'est le fait de ne pas se protéger de l'urine. Comme il fait partie du châtiment de la tombe, le fait le colportage. Et dans ces deux actes, c'est un péché qui est énorme, qui expose celui qui le fait au châtiment de la tombe. L'amr التاسع من آداب قضاء الحاجة عدم مس ذكر باليمين. وهذا مر معنا في حديث سلمان رضي الله عنه وارضاه، وهو في صحيح مسلم، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا من الآداب العظيمة التي دعا إليها هذا الدين الحنيف. إذا مس ذكره بيمينه قد يقع في يده شيء من النجاسة أو تبقى، وقد يصاحفه غيره، وقد يتناول طعاما ونحو ذلك من الأعمال. إضافة إلى ما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اليمين للأمور الطيبة واليسار لما سوى ذلك. قد جاء في الحديث عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. Le neuvième comportement à adopter au moment où on fait son besoin, c'est de ne pas prendre sa partie intime de devant avec sa main droite au moment d'uriner. Le hadith de Salman al-Farisi dans l'authentique de Muslim يوسي الحديث دو قتادة رضي الله دبي قتادة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم que quelqu'un parmi vous quand il fait son besoin quand il est en train de ruiner n'a pas à prendre sa partie intime avec sa main droite et ça ça fait partie des nobles comportements vers laquelle nous orientons cette noble religion parce que quand la personne touche sa partie intime en y ruinant avec sa main droite il y a des impuretés qui vont se coller à cette main il va en rester et peut-être qu'il va serrer la main à quelqu'un peut-être qu'il va aller manger avec ou autre il va faire quelque chose avec parmi ses œuvres. Plus rajoute à ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aimait faire les bonnes choses avec la main droite et la main gauche il est réservé à autre chose Il a été rapporté du hadith de Hafsa radiallahu anha wa ardaha que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que Hafsa a dit radiallahu anha wa ardaha que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sa main droite il l'a réservé à la bouffe à boire et pour mettre commencer la droite pour mettre ses vêtements et ainsi de suite et la gauche il l'a réservé à autre chose et le fait ce noble comportement à l'islam il est très important Dans les années 80, je travaillais dans la région parisienne. L'été, dans les transports en commun, tu sentais les urines. Ce n'est pas parce que les gens ont uriné, c'est parce que les gens ne se nettoient pas quand ils urinent, parce que des fois, ils prennent avec leurs mains, etc. Il y a une étude qui a été faite, il y a une émission de télé, plus une étude qui a été faite sur pour le fait qu'il ne faut pas poser sa main. Tu vois les escalateurs là, tu as le tapis noir là sur le bord, tu n'as pas à poser ta main parce qu'il y a beaucoup de microbes et beaucoup d'odeur d'urine dessus. Pourquoi ? Parce que Hadel sort des toilettes, il arrive directement et il a tout touché avec sa main, il ne s'est pas lavé, etc. Il vient et pose sa main dessus. Ceci, la revue a fait l'étude, etc. Il a montré que là, ça vient de là. Du fait que les gens ne se lavaient pas leurs mains, etc., ne se nettoyaient pas. Et l'été, tu arrives, au bout de trois quarts d'heure, d'une heure de transport au métro et dans les horaires, tu arrives, tu as la tête éclatée avec une grande migraine. Par l'urine, le mélange des mauvais, ils n'ont pas bien digéré leur vin, et l'odeur de l'urine, plus l'odeur de le mauvais maquillage, etc., et tout ça s'y rajoute. T'as une odeur nauséabonde dans les transports en commun. Rajoute à la chaleur, et t'as tout compris, et tu comprends la noblesse et la beauté vers laquelle t'oriente ta religion après l'islam. L'amr al-ashir min adabi qada al-haja, alla yurd al-salam hala qada al-haja. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه فوقت قضاء الحاجة ليس وقت ذكر والسلام ذكر ودعاء ولهذا لا يسلم ابتداء على من يقضي حاجته وإذا سلم عليه فإن السنة لا يرد على من سلم عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا دلالة على أن الذي يقضي حاجته لا يتكلم معه كما أنه لا يسلم عليه لا يتكلم معه حتى يقضي حاجته فإذا قضى حاجته وانتهى يسلم عليه ويتكلم معه Il fait partie du comportement du fait de faire ses besoins, c'est que on rend pas salam aux gens. La personne, il est passé. La personne, il est dans le désert. Il a pris un endroit loin pour faire ses besoins. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui passe à côté qui dit salam alaikum. Mais il n'a pas à lui rendre salam. Il lui rend pas salam dans cet état-là. Dans l'authentique du musulman, le hadith d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhu arda. Un homme est passé à côté du messager alayhi salatu salam, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était en train d'uriner. Il a dit salamu alaykum, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu. Cela veut dire qu'au moment où la personne fait ses besoins, ce moment-là, c'est pas un moment d'invocation. Et cela fait partie de l'invocation. Parce qu'il y a l'invocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Et donc c'est pas un moment de l'invocation. Et à la base, on n'a pas à dire salamu alaikum à quelqu'un qui est en train de faire son besoin. Et fait partie de la sunnah, c'est qu'il ne doit pas répondre à celui qui est passé, qui lui a dit salam alaykoum, car le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à l'homme, à ce noble compagnon radiallahu anhu arda, qui lui a dit salam alaykoum. Et il y a aussi les hommes de science ont pris ici un autre jugement, c'est que celui qui est en train de faire son besoin ne lui parle pas, on ne discute pas avec, comme on n'a pas à le saluer, à lui dire salam alaykoum au moment où il est en train de faire son besoin. Et quand il termine, à ce moment-là, tu peux lui parler, tu peux lui dire salam alaykoum. كذلك من الآداب الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار كما سيأتي وكل منهما مجزئ سواء استنجى بالماء أو استجمر بأحجار أو نحو ذلك كل ذلك مجزئ وليس من اللازم أن يجمع بين الأمرين سواء استنجى بالماء أو استجمر بالأحجار أو نحوها فإن ذلك مجزئ وكاف لكن الأكمل والأطيب أن يستنجي بالماء إن تيسر وقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء هذا فيه بيان هدي عليه الصلاة والسلام et aussi fait partie du comportement c'est de se nettoyer après ses besoins avec l'eau ou s'essuyer avec les pierres l'un ou l'autre suffisent l'un ou l'autre, et c'est pas obligatoire de réunir les deux, s'essuyer et se laver. L'un ou l'autre suffisent. Hein? Et c'est pas obligatoire de les réunir à la fois. Mais le mieux, le plus complet, c'est le fait de se purifier les parties en les lavant avec de l'eau. Hein? Si c'est possible. Mais si la personne, c'est pas possible pour lui d'utiliser de l'eau, pour n'importe quelle raison, et qu'il s'essuie, et que khlas, du moment que il se purifie, se nettoie avec l'essuyage, bah khlas, alhamdulillah. Il a été rapporté dans les authentiques de Anas ibn Malik radiallahu anhu arda que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait pour faire son besoin, hein, Anas arrivait avec un seau d'eau et avec une lance. La lance était utilisée pour la pointer dans le sol. Pour l'entourer, comme ça, il peut tirer un drap pour que le prophète alayhi salatu wasalam puisse être à l'abri. Hein? Et donc, il ramène un seau d'eau avec lequel le Rasoul sallallahu alayhi wasalam va se purifier, va faire les son istinja. Et il avait ses parties intimes. Et dans cela, il y a le fait, ça nous donne un éclaircissement sur la voie du messager alayhi salatu wasalam. Hein? Que là, c'est clair qu'il utilisait que l'eau. Hein? Il ne réunissait pas entre l'eau et les pierres. والاستنجاء أو الاستجمار إنما يشرع إذا كان هناك خارج من السبيلين كالبول أو الغائط فيستنجي لينقي المكان وينظفه. أما إذا لم يكن هناك خارج من السبيلين كان يكون أراد الوضوء لنومه مثلا أو أراد الوضوء لكونه خرج منه ريح أو نحو ذلك فهذا لا يشرع فيه الاستنجاء ولا الاستجمار. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال ما معناه لا أعلم آية أو حديثة أو حديثا في الاستنجاء من خروج الريح ولهذا إذا خرج من الإنسان ريح أو نام أو أكل لحم جزور ونحو ذلك فإنه يتوضأ دون أن يستنجي أو يستجمر. Le fait de s'essuyer les parties intimes ou de les laver, ceci est légiféré quand il y a quelque chose qui sortit du deux orifices, celui de devant ou celui de derrière. Hein? Comme l'urine, comme l'excrément ou autre. Et dans ces cas-là, il se nettoie pour, il s'essuie ou alors il lave pour nettoyer les parties. Mais si maintenant il n'y a rien qui est sorti, il veut faire le dos parce que il s'est réveillé du sommeil. Ben, il n'a pas à laver ses parties intimes. Il veut refaire le dos parce qu'il a lâché un gaz. Il n'a pas à laver ses parties intimes. Hein? Il veut refaire le dos parce qu'il a mangé la viande du dromadaire. Il n'a pas à faire l'istinja. Il va directement, il fait son dos. Imam Ahmed Rahimahullah de rapporter une parole dans le sens dit ceci, je ne connais pas un verset ni un hadith qui dit qu'il faut faire l'istinja, laver les parties intimes, après avoir lâché un gaz. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et même c'est très dangereux, ça pourrait ouvrir les portes d'El Ouswas pour la personne. Et donc quand quelqu'un il lâche un gaz, ou il se réveille du sommeil, ou il a mangé la viande du dromadaire, hein, ou autre, parmi les choses qui font qu'il est obligatoire de faire le don, ben il n'a pas à laver ses parties intimes ni à les essuyer. والاستنجاء بالماء أكمل على ذلك بعض النصوص منها ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية وهذا يدل على أن الاستجمار مجزئ وكاف لكن الاستنجاء أكمل ولهذا مدح أهله ولو كان الاستجمار لا يجزئ لمنع عنه ونهي عنه et le fait de se laver avec de l'eau c'est le mieux et cela est prouvé par beaucoup de textes qui sont rapportés par Abu Daoud et par d'autres et parmi lesquels le hadith d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda concernant le verset qui est descendu dans sa traduction approximative dit hein, concernant les habitants les voisins de Quba voisins de la mosquée de la première mosquée en islam la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam Quba et dedans il y a des gens qui aiment se purifier et ils se lavaient avec de l'eau et le verset il est descendu pour leur faire leurs éloges et ce hadith prouve que le fait de se nettoyer avec les pierres est suffisant. Hein? Mais que le fait de se laver, les gens qui se lavent ont cet éloge, ont reçu cet éloge. Et si le fait de se nettoyer, de s'essuyer avec les pierres ou autres était interdit, n'était pas suffisant, Barra Sallallahu Alaihi Wasallam l'aurait interdit. Hein? Mais il ne l'a pas interdit, alayhi salatu wassalam. Hein? وقد جاءت نصوص خاصة به دالة عليه منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه والثلاثة أحجار هي أقل الواجب عندما يستجمر الإنسان وقد مر معنا في حديث سلمان أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فهذا أقل الواجب وإذا حصل باستجماره بثلاث إنقاء للمكان فإنه يكتفي بها وإن لم يحصل إنقاء للمكان فإنه يزيد ومن السنة أن يختم بالوتر كان يستجمر بخمس أو سبع أو تسع بحيث يحصل الإنقاء وتذهب النجاسة في مكان البول أو في مكان الغائض الغائض إيه يا beaucoup de textes qui prouvent que l'estijmar, le fait de s'essuyer avec les pierres ou ce qui les remplace, est suffisant. Hein? Parmi ces textes du hadith de Aisha radiallahu anhu ardaha, il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quand quelqu'un va faire son besoin, qu'il se nettoie avec trois pierres, ça lui suffit. Dire le minimum à utiliser ces trois pierres. C'est hein, le minimum obligatoire, trois pierres. Quand la personne s'essuie. Et nous avons vu le hadith du Salman où il a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit et qu'il ne faut pas se nettoyer avec moins de trois pierres. C'est-à-dire qu'il faut utiliser trois pierres. C'est-à-dire le faire trois fois. Ça, c'est le minimum obligatoire. Et si avec trois pierres, on arrive à la purification, c'est bon. S'il n'y arrive pas, ben il augmente. Et le mieux, la sunna, c'est de le faire toujours en paire. 5, 7, 9, jusqu'à ce qu'il arrive au endroit, il est propre, classe. Mais toujours, il doit se terminer avec chiffre impair. وفي حكم الأحق في حكم الأحجار الأوراق التي ليس فيها كتابة أو المناديل الورقية أو اللبن من الطين إذا كان جاف وناشف فكل ذلك يشمله الحكم لكن لا يستنجي بعظمين أو روت، وهذا أدب آخر من آداب قضاء الحاجة، وقد مر معنا دليله في حديث سلمان، قد جاء في جامع الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وجاء في حديث آخر في سنن أبي داود: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمامة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. وإذا كان لا يجوز الاستنجاء بالعظم لأنه زاد لإخواننا من الجن، فإنه كذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بطعام الإنس، بل إن ذلك محرم. لا يجوز أن يستعمل الطعام كالخبز ونحو ذلك، والعياذ بالله، لإنقاء المكان. Et similaire dans le jugement aux pierres, le papier de toilette maintenant, et surtout d'utiliser du papier sur lequel il n'y a pas d'écriture. N'importe quel papier sur lequel il n'y a pas d'écriture, hein? Il s'agit ici d'écriture arabe, hein? Et c'est aussi le fait d'utiliser des briques en pierre quand ils sont secs, parce que s'ils sont humides, ils ne sont pas encore secs, ça ne sert à rien, ça va encore tâcher la place, il faut qu'il soit sec. Tout ceci est concerné par ce jugement de l'essuyage. Hein? Mais nous n'avons pas le droit à essuyer les parties intimes, que ce soit avec l'os d'animaux ou que ce soit avec les excréments, hein, d'animaux ou autres. Et ça, ça fait partie des comportements. C'est un autre comportement dans le fait de, hein, de faire ses besoins. Et nous avons vu le hadith du Salman. Et il a été rapporté aussi dans Jami' al-Tirmidhi le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: ne vous suivez pas, c'est-à-dire après votre besoin, avec l'excrément d'animaux ni avec les os, car c'est la nourriture de vos frères parmi les jeunes. C'est la nourriture de vos frères parmi les jeunes. Dans un autre hadith, dans Sunan Abi Daoud, hein, quand la délégation du jeûne est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit: ya Muhammad, ordonne à ta communauté, interdit à ta communauté qu'ils s'essuient leur partie intime avec, avec les os ou avec les excréments d'animaux, car Allah a fait que c'est notre subsistance. Et donc, s'il n'est pas permis de s'essuyer avec les os, qui sont la nourriture de nos frères parmi les jeunes, dans ce cas-là, il n'est pas permis non plus de s'essuyer avec la nourriture des humains. Ceci est haram, est interdit. Il n'est pas permis d'utiliser la nourriture pour s'essuyer, comme le pain ou la mie de pain ou autre. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, ceci est interdit. الأدب الرابع عشر من آداب قضاء الحاجة أن يقول عند خروجه من المكان الذي قضى فيه حاجته: غفرانك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد على ذلك. بعضهم يزيد: غفرانك ربنا وإليك المصير، يكمل الآية التي في سورة البقرة، لا يزيد على ذلك، لأنه لو كانت الزيادة مشروعة لدل إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا قضى حاجته وخرج يقول: غفرانك. لماذا؟ يقول العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله: لأن المسلم لله عليه في قضاء حاجته نعم كثيرة، يسر له الطعام وانتفع جسمه بالطعام، ثم يسر له خروج هذا الطعام، لأنه لو بقي وقتا في جسمه دون أن يخرج لأمرضه بل لقتله وآماته. Et parmi les comportements à avoir au moment où on fait ses besoins, et c'est le 14e ici, c'est au moment où on sort de l'endroit, on dit Rufrana, on demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ceci nous a été rapporté, il est confirmé de notre prophète alayhi salatu wassalam. On n'a rien à rajouter. Certaines personnes rajoutent, hein, et terminent là. Le verset qu'il y a dans Sourate Al-Baqara: Ghufranaka Rabbana wa ilayka al-masir. Nous n'avons rien à rajouter. Ce qu'a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on le dit. Ce qu'il n'a pas dit, on ne le dit pas. On s'arrête là, on nous arrête la sunna. Et on tourne avec la sunna comme il nous fait tourner. On ne change pas, on ne diminue pas et on ne rajoute pas. Abadan. Donc quand il termine, il sort, ils diront frère. Pourquoi? Les hommes de science disent, et alors peut-être Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit le musulman, au moment, elle est soumise à Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il a fait son besoin, il y a beaucoup de bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui le couvre. Hein? Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a comblé de la nourriture. Et il a fait que son corps profite de cette nourriture, ainsi que de des boissons qu'il a pris. Et après cela, il lui a facilité la, hein, ce qui n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile lui a facilité de le sortir et de l'évacuer. Car s'il restait dans son corps, ça va lui causer du mal et ça va lui faire très mal. Et peut-être si ça reste longtemps, ça va peut-être même puer. Hein? Et ça, c'est un des grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et le, c'est un grand bienfait qu'on est incapable de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Évacuer les déchets du corps, les déchets de la nourriture, etc. S'il reste à l'intérieur, qu'est-ce que ça va faire à la personne? ولهذا شرع له أن يقول شرع له أن يقول عند خروج غفرانك أي أستغفرك يا الله لعجزي وتقصيري وقصوري في شكري لنعمك. C'est pour ça qu'il lui a été légiféré à l'être humain et aux musulmans quand il sort de l'endroit où il a fait ses besoins de dire غفرانك, de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il est incapable. Et il est négligent dans le fait d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et hein, il peut tomber dans l'ingratitude des fois à ne pas reconnaître et ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala, louer pour les bienfaits qu'il lui a prodigués. Et dans ces cas-là, il lui est légiféré au moment où il sort de dire غفرانك فيقول عند الخروج غفرانك كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر عن أنس وهو في سنن ابن ماجة قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذا الحديث ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك أهل العلم. ولهذا يكتفي المسلم عند الخروج بأن يقول غفرانك لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. Et donc, quand il sort de cet endroit, après avoir terminé son besoin, il dit Ofrana, comme l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un autre hadith de Anas. Et le hadith, il est dans Sunan ibn Majah. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un sort des toilettes ou de l'endroit où il a fait son besoin, qu'il dise Alhamdulillah, louange à Allah qui m'a enlevé son mal et qui m'a épargné et qui m'a guéri. Mais ce hadith n'est pas confirmé du prophète alayhi salatu wassalam. Sa chaîne de transmission est une chaîne faible. Hein? Il ne remonte pas au prophète alayhi salatu wassalam. Comme a attiré l'attention les hommes du hadith sur ce hadith. C'est pour ça que le musulman doit se suffire quand il sort, après avoir fait ses besoins, de s'arrêter tout simplement à cette phrase, Rufranak, parce que ceci a été rapporté par une voix authentique et il est authentique et qui n'a rien à rajouter. في كتب الفقه أرشد أهل العلم إلى جملة من الآداب التي تفعل عند قضاء الحاجة لكن لم يثبت بها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها من حيث المعنى صحيحة وترشد إليها نصوص عامة. Dans les livres de jurisprudence, un certain nombre de sciences ont cité un certain nombre de bons comportements à avoir au moment où on fait ses besoins, mais il n'y a pas de hadith qui le prouve. Mais le sens de ces comportements est bon et il est prouvé par des hadiths généraux qui ne sont pas spécifiques à ce genre d'actes, hein, et à ce genre de comportement. Min dalik, ikhtiyar al-mawdi', جاء في سنن أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يتخير الإنسان مكانا لقضاء حاجته بحيث يكون مكان طري أو لين، وذلك من أجل أن الإنسان دابال، فإذا كان المكان لين أو طري لا يرتد عليه رشاش البول، بينما إذا كان المكان صلبا ربما يتطاير عليه البول، فهذا من حيث المعنى صحيح واللائق والأكمل بالمسلم حتى يستنزئ من بوله أن يختار المكان. ولو كان الحديث ضعيفا لكن الأحاديث الأخرى التي مرت معنا دالة على الاستنزاء من البول تدل على ذلك. يختار الإنسان مكان طري بحيث إذا بال لا يتطاير عليه البول، لكن لو كان يبول على مكان صلب ربما أن رشاش البول يتطاير عليه. إذنك l'une des premières choses stipulées dans les livres de jurisprudence, c'est comme il rapporté dans Sunan Abi Daoud, le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, c'est que la personne doit choisir l'endroit. Comme quoi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aurait orienté le fait du choix de l'endroit où la personne va faire son besoin. Et que ce soit un endroit mou, et non pas un endroit dur. Hein? Comme ça, quand la personne urine, l'urine, il rentre, l'eau, il rentre. Et s'il est sur un endroit dur, il va être éclaboussé. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ses vêtements, ses pieds, etc., ils vont être touchés avec l'urine. Et dans ces cas-là, il n'a pas été préservé de l'impureté. Et il ne s'est pas préservé de l'urine. Et donc, au niveau du sens, le sens, il est bon. Le hadith qui est cité, il est pas authentique. Il est da'if. Mais les autres hadiths, dans leur sens général, prouvent que c'est cette voie-là sur quoi il faut être. Parce que pour se préserver de l'éclaboussement de l'urine, si tu le fais sur le goudron, l'eau, il revient. Si tu le fais sur une terre molle, l'eau, il pénètre. Donc, tu as moins de risques à être tacheté ou à ce que tes vêtements ou tes pieds soient suivis par l'impureté de l'urine. Hein? Donc, le sens général qui nous demande de nous préserver de l'urine le prouve. Le hadith spécifique à cet acte-là, lui, il est faible. Hein? Donc, il rentre dans les comportements pris, dans le comportement général que les hommes de science ont extrait des comportements généraux, hein, des textes généraux plutôt. Dans la généralité, ils ont pris ça dans la généralité de textes. Hein, il n'y a pas un texte spécifique, mais ils rentrent dans la généralité de certains textes. كذلك لا يستقبل مهاب الريح. مهاب الريح إذا كان الهواء شديد فإذا جلس الإنسان لقضاء الحاجة ويستقبل مهاب الريح ارتد عليه. والأحاديث التي فيها الاستنزاء من البول تؤكد ذلك عليه، على أن الإنسان لا يفعل ذلك، فكل شيء فيه وقاية من هذا الأمر يفعله الإنسان لعموم النصوص. Et aussi, quand il va faire son besoin, uriner ou quoi que ce soit, il ne doit pas être dans la face au courant du vent. Parce que s'il est en face du courant du vent, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où il est en train d'uriner, ben le vent va le pousser tout son urine vers lui. Et il lui demande de se préserver. Donc cette orientation que font les hommes de science, de ne pas être dans le sens du vent, est bonne. Pourquoi? Parce que ça te permet de te préserver. Et il nous est demandé par le texte général de nous préserver. Et que notre corps, nos vêtements ne soient pas touchés par l'urine. Donc on ne va pas s'exposer au vent. Si on s'expose au vent au moment d'uriner, ben on va tout recevoir sur nous-mêmes. ومنها أيضا ألا يبول في الجحر. الجحور التي تكون في الأرض للدواب والهوام ونحو ذلك، وهذا جاء فيه حديث ضعيف الإسناد في سنن أبي داود، لكنه من حيث المعنى صحيح، لأنه إذا بال في الجحر قد يخرج عليه منه شيء مما في داخل الجحر، إما عقرب أو حية أو شيء من ذلك، فهذا فيه وقاية للإنسان، فالبعد عنه أولى وأكمل وأسلم. Et parmi les choses qui ont été citées aussi par les hommes de science et par les jurisconsultes, c'est que tu ruines pas dans les trous. Dans les trous qu'il y a en terre, dans lesquels rentrent les animaux, bah tu ne ruines pas dedans. Il a été rapporté un hadith dont la chaîne de transmission est faible, dans Sunan Abi Daoud, mais le sens, il est bon. Car si la personne urine dans un trou, dans lequel qui est un trou, qui est le lieu par lequel rentre un serpent, un scorpion, etc. Peut-être que cet animal peut sortir et lui faire du mal. Hein? Et donc, ce qui est mieux pour la personne, c'est de ne pas ruiner dans les trous. كذلك من الأمور التي ذكرها الفقهاء وليس عليها حديث صحيح عدم المكث في المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. لا يمكث في المكان، وإنما يقضي حاجته، وإذا انتهى من قضاء الحاجة يقوم وينصرف، فهو مكان لقضاء الحاجة ليس مكانا للمكث. فإذا قضى الإنسان حاجته وانتهى ينصرف من مكانه، فهذا من حيث المعنى صحيح. Et parmi les choses sur lesquelles les jurisconsultes et les hommes de science attirent l'attention, il n'y a aucun hadith authentique qui le prouve, c'est le fait de ne pas rester, de ne pas s'éterniser dans l'endroit, dans les toilettes ou dans l'endroit où on fait son besoin. Car c'est un endroit qui est réservé à quoi ? Venir évacuer ses déchets tout simplement. Et on n'a pas à y rester. Une fois qu'il termine, la personne doit sortir. Parce qu'il est fait que pour cette chose-là. Au niveau du sens de ce comportement, il est bon. Mais il n'y a rien qui le prouve. Mais c'est un sens qui est bon. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها في هذا المقام أن يتجنب الوساوس وأن لا يفتح على نفسه عند قضاء لحاجته بابا للوسواس والشيطان له مداخل كثيرة جدا على الإنسان ومن مداخله عليه أن يدخل عليه من باب قضاء الحاجة والتنزه من البول فيصل به إلى درجة المغالاة ولهذا ربما بعض الناس بسبب الوسواس قد يمكث في الحمام ساعة ثم يخرج والوسواس عالق به ويرجع مرة ثانية ويفعل أمور كثيرة عجيبة وغريبة جدا كلها ناشئة من الوسواس وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان وهو كتاب عظيم مداخل كثيرة للشيطان على الإنسان منها مدخله عليه عند قضاء الحاجة وذكر أن بعضهم بسبب الوسوسة يفعل أمورا كثيرة ذكر ابن القيم 10 منها يفعلونها كلها مبالغة في التنزه مبالغة لا أصل لها ولا أساس منها لها أسماء النتر والسلت والقفز والدرجة والحبل أشياء غريبة جدا يفعلها بعض الناس Il fait partie des choses qu'il faut observer à ce niveau, au niveau de l'endroit où on fait ses besoins, qu'il faut se préserver du waswas. Les mauvaises dictées de Shaitan hadi et que la personne n'ouvre pas la porte du waswas au moment où il a fait son besoin. Car Shaitan, il a des rentrées par lesquelles il va s'immiscer dans l'esprit de la personne. Et fait partie des portes qui s'ouvrent à Shaitan et à la porte du fait de faire son besoin. Et le fait de venir et dire à la personne, préserve-toi, tu t'es pas bien préservé de l'urine, tu t'es pas bien lavé. Et il va l'amener à aller à l'extrême. Et à le fatiguer. Et peut-être à cause du waswas, certaines personnes restent dans l'endroit des toilettes et dans l'endroit de l'eau des fois une heure. Quand il revient de là, tu crois qu'il a pris une douche. Et il vient à peine, il met la pied dans la mosquée, et il retourne. Parce que dans son il y a une goutte qui est tombée. Il y a ceci, il y a cela, etc. Et il va rester encore un grand laps de temps. Et ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Des choses, des gens font des choses étranges. À cause, tout ceci, l'origine, c'est le waswas. Ibn Qayyim, rahimahullah, dans son livre, Ighathat al-Ahfan, des filets de Shaitan, qui est un noble livre. Hein, il dit que Shaitan, en ce qui concerne le fait de faire son besoin, il a des entrées, il rentre par là. Et il a cité un certain nombre de choses que les gens ils font à cause du ouswas. Hada Cheikh l'Islam, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il en a cité 10. Et ces gens-là, s'ils faisaient ça, c'est parce qu'ils sont allés à l'extrême dans le fait de se préserver, de se purifier, de se nettoyer. Et ceci, le fait d'aller à l'extrême, les a amenés à faire des choses qui ne font pas partie de la législation d'Allah ni de la sunna du prophète. Il a cité le nom de certaines choses. Nâtr, c'est le fait de tirer sa partie intime. Sept, c'est le fait de l'égoutter, mais d'une façon, hein, il appuie dessus, il tire pour l'égoutter. Le qabz, faire des sauts pour faire tomber les dernières gouttes de d'urine. Dorja, c'est le fait d'avoir deux ou trois marches, il monte en courant, il descend en courant pour faire tomber, soi-disant. Le hebl, la corde, il l'accroche à l'endroit où ils font leur le besoin, et il grimpe pour que ça, et il tombe d'en haut comme un saut pour faire tomber les dernières gouttes, soi-disant. Et ceci, ce sont des actes qui sont étranges à l'islam, à la sunna des prophètes, alayhi salatu wassalam. فالنتر إذا بال ينتر ذكره بحيث يؤكد على خروج ما فيه. نتر c'est le fait il appuie sur sa partie intime et il tire pour faire sortir certains souffrent, ils font du mal à leur partie intime. Et des fois نتر et سلت ça peut être la cause de que la personne soit éprouvée par ce qui est appelé le fait d'être précoce dans son rapport et dans le fait de sortir à son sperme. Hada, c'est l'une des causes, disent certains nombres de sciences. Sept, il prend sa partie intime à sa base et il commence à tirer. Et tout ceci ne fait que du mal à la personne. Plus tu sors du comportement que tu as enseigné dans ce sens-là, tu vas à ta perte. Tu fais du mal à ton corps et tu fais du mal à ton esprit aussi. Le qafz, le fait de sauter. Le qafz, بعد ان يبول يقفز قفزات تنتين او ثلاث بحيث يمكن للبول من النزول. Le qafz, qui est cité par Ibn al-Qayyim, c'est de sauter une fois, deux fois, trois fois pour permettre aux dernières gouttes de sortir. Le haml, بعضهم يربط حبلا في سقف المكان الذي يقضي فيه حاجته ثم يتعلق به ويشد جسمه الى اعلى بحيث يشتد الجسم ليتمكن البول او الماء من النزول. La corde, certains dans l'endroit ils font pipi ou ils font leurs besoins, ils accrochent une corde dans laquelle ils vont se suspendre pour que leur corps soit son apesanteur tire vers le bas pour que les dernières gouttes y sortent. درجة بعضهم يرى أن الأكمل له أن يصعد بعد البول درجة وينزل منها بسرعة بحيث هذه الحركة في الصعود والنزول تساعد على نزول. وذكر أشياء رحمه الله تعالى et les marches, avoir les marches dans les endroits où il faut leurs besoins. Est-ce que ça c'est le mieux? C'est de monter très vite et de redescendre très vite pour faire descendre les dernières gouttes et que ça facilite la descente de l'urine. Et il a cité certaines choses. كذلك الوجوع بعد قضاء الحاجة يأتي بمنديل فيفتح يدخله في الفتحة بحيث لا يخرج وأشياء يفعلونها كلها من قبيل الوسوسة. Aussi, il y a un acte qui est appelé dans la jurisprudence le wujur, ce qui ramène un morceau de papier ou un morceau de tissu, il le rentre dans le trou. Pour que rien ne sorte. Et tout ceci, c'est du domaine de l'ouswaza. Et sache, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, ce que tu as entendu existe. Existe. Tu vois certaines personnes des voix, et sur, notamment, ça je l'ai vu dans certains centres d'El Tablir, tu le vois la personne, souchette, j'ai là-bas, il met sa main, il tient. Il monte les escaliers, il redescend. Qu'est-ce qu'il croit? Il y a sa partie intime qui est entre ses mains. Et il monte pour faire sortir les dernières gouttes. Et tu vois certaines personnes dans des mosquées, tu le vois. Il sort des toilettes, il n'a pas fait le dos, il sous sa main, il est sous sa djellaba, rentré par la poste de sa djellaba, il est en train de faire des tours, il a sa partie intime, ad après il revient, il retourne aux toilettes, ad il ressort. Et tout ceci, c'est ouvrir la porte au shaitan. Hein? Et le mieux, c'est de prendre le conseil que Jibril a donné à Mohammed alayhi salam. Qu'une fois qu'il lave ses parties intimes et qu'il fait le dos, il prend de l'eau, il asperge quoi? Le vêtement intérieur. Il tire le pantalon, il asperge. Classe. C'est fini. Et quand il y a quelque chose, Shaitan vient voir, il y a quelque chose qui goûte. T'as de l'eau. Classe. J'ai rien du tout. Il n'y a rien. C'est l'eau pure avec laquelle je me suis aspergé. Hein? Il faut faire très attention à ça. Beaucoup de jeunes, je connais certains de nos frères, leur raison, ils ont failli la perdre. Ils sont devenus, dans certains cas psychologiques, horribles à l'islam. Et les des demandeurs de science, mémorisateurs du Coran, qui ont délaissé la prière à cause de l'ouswas. Mémorisateurs du Coran, et qui ont une certaine bagage scientifique, ils ont tout délaissé à cause de l'ouswas. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswas alkhannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Et nous ne devons pas, dès qu'on sort de la voie que nous a instauré le messager alayhi salam, on va vers notre perte à l'islam. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فقال ذلك كله وسواس وبدعة قال فراجعته في السلت والنتر فلم يره وقال لم يصح الحديث فإن صحت العبارة أقوى ما عندهم في هذا الباب النتر والسلت قد جاء في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأمور من الوسوسة وهي من مداخل الشيطان على الإنسان ابن القيم رحمه الله تعالى il dit et j'ai posé des questions concernant ces points qu'il a relevés chez les gens. Ibn al-Qayyim lui a dit tout ça c'est le waswas et c'est les innovations. Et Ibn al-Qayyim a insisté sur le fait de tirer et dégoûter. Et il lui a dit le hadith n'est pas authentique parce que hein, ce hadith qu'ils ont au niveau de Selt et de Nadr, le hadith n'est pas confirmé. On ne peut pas le remonter au messager alayhi salam. Donc tout ceci fait partie de la waswasa du shaitan et des issues par lesquelles shaitan va s'immiscer pour fatiguer la personne et pour lui détruire sa religion. Et donc il faut y faire très attention. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه لابن القيم كلمة جميلة في هذا الباب والبول كاللبن في الضرع إن تركته قر وإن حلبته در. Et Cheikh l'Islam a dit une bonne parole à son élève ابن القيم رحمه الله concernant ce chapitre. Il a dit l'urine c'est comme le lait. Si tu le laisses dans les mamelles, tu ne vas pas le traire, ben il reste. Hein? Et si tu vas traire, ben il va sortir. C'est la même chose. Hein? Quand tu touches la mamelle de la vache ou quoi que ce soit, ben il va couler. Mais si tu la laisses tranquille, tu ne touches pas, ben la même chose au niveau de l'urine. Khlas. C'est une noble parole qu'a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. ولا يزال كلما حلبته الضرع كلما حلبته يخرج منه إما كثير أو قليل وإن تركته قر في مكانه وهكذا الشأن بالنسبة للبول إن تركه الإنسان قر يعني إذا قضى حاجته وتركه يقر حتى وإن كان لا يزال فيه بقية يقر في مكانه وإذا أخذ يفعل هذه الأمور التي يفعل هؤلاء السلت والنتر وما إلى ذلك ربما أنه مع هذه الحركات لا يزال يخرج ربما أنه يجلب لآلته شيء من الأمراض والأضرار بسبب هذه الوساوس ولهذا يتجنب المسلم ذلك كله ولا يزال إلى وقتنا أناس يبتلون بهذه الوساوس وإذا قضى الإنسان حاجته وأنقى المكان وانقطع البول يستنجي أو يستجمر ثم يرش على المكان شيء من الماء وينصرف ولا يلتفت بعد ذلك إلى الأمر. وإذا فتح لنفسه باب الالتفات والتفكير أو ما إلى ذلك يدخل في وسواس لا ختام لها، في وساوس لا ختام لها ولا زمام ولا نهاية لها. Et donc, le lait quand il est dans les mamelles de la bête, la brebis ou la vache, ah, si tu ne le touches pas, tu ne l'attrapes pas, bah, il ne va pas, il va rester à sa place. Hein? Il ne va rien sortir. Ni une grande quantité, ni une petite quantité, ni une goutte, rien ne sortira. Il en est de même pour l'urine. Si tu la laisses, l'être humain la laisse, ne la touche pas, une fois qu'il termine son besoin, ben, il n'y a rien qui va sortir après. Il va rester. Ce qui reste à l'intérieur va rester à sa place. Mais s'il commence à tirer, à égoutter, etc., avec ces actes qu'il est en train de faire, ces mouvements qu'il accomplit, ben, il ne cessera de sortir après l'islam. Et peut-être, il va causer, en agissant ainsi, hein, il va être la cause de certaines maladies qui vont atteindre sa partie intime. À cause de ces waswas. C'est pour ça qu'il est obligatoire aux musulmans de s'éloigner de tout ça. Et ça, je prie en Allah, jusqu'à notre époque, les gens sont éprouvés par le waswas. Quand l'être humain, il termine ses besoins, et que ça y est, il a terminé, il s'est nettoyé, etc., ben, il écoute plus ce qui va se passer. Il asperge avec de l'eau propre ses parties intimes, khlas, il sort. Et quand il y a Shaitan qui veut venir s'immiscer dans son esprit, bah, khlas, c'est l'eau pure avec laquelle je me suis aspergé. Il lui ferme la porte. Parce que s'il ouvre la porte, ben, il va rentrer dans un cercle où il va le tourner, hein, à lui faire, hein, à le fatiguer. Et à, des fois, à le jeter dehors. Des fois, j'ai vu des cas à l'islam parmi nos frères. Alors, il rentre. Au début, avant l'adhan, à la salle, il nous dit, nous, on termine, salam alaykoum, on a terminé la prière, il est encore dans les toilettes. Que parle au souhait. Il faut faire très attention. C'est une porte à ne jamais ouvrir, à fermer, à ne pas écouter les mauvaises idées que tu dis à Shaitan. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند قضاء الحاجة ولا سيما الآن في زماننا ما لم يتوفر في الأزمان السابقة، وهي أن الكنف والحمامات التي في البيوت، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة. كان عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود كان له وعاء عند فراشه يبول فيه بالليل، لأنه قد لا يتهيأ للإنسان أن يخرج إلى الخلاء إلى قضاء الحاجة. فنحن الآن أنعم الله علينا بنعمة عظيمة في البيت الواحد أكثر من مكان لقضاء الحاجة، ومكان نظيف ومعتنى به، وبعض الناس يبالغون مبالغة زائدة في زخرفته وتأنيته وتجميله كأنه مكان للجلوس. فالشاهد أنها توفرت في البيوت وفي المساجد أماكن لقضاء الحاجة، وينبغي أن نعرف أن هذا المكان مكان لقضاء الحاجة، ليس مكان لقضاء أمر آخر غير ذلك. Et parmi les choses qu'il faut prendre en considération ici, et c'est que l'endroit, les toilettes et l'endroit où, hein, on se soulage, ce sont des endroits que pour ça. Hein? Et à notre époque, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait faciliter des trucs qu'ils n'avaient pas. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était obligé d'avoir un récipient à l'intérieur avec lui pour que dans la nuit, il puisse faire son besoin, uriner, etc. Il puisse uriner. Maintenant, dans une maison, tu peux te retrouver des fois trois toilettes, deux toilettes et ainsi de suite. Les toilettes qui sont confortables, bien décorées, des gens, ils exagèrent dans la décoration des toilettes. Alors que c'est dans des endroits qui sont réservés tout simplement. Allez, il va plus. Du moment qu'il est propre, khlas. Hein? Donc, dans les maisons maintenant, tu as des endroits où... Et donc, il faut prendre en considération que cet endroit, il est tout simplement un endroit pour faire son besoin. Et non pas un endroit, de discussion, ni d'y faire autre chose. Abadan. والذي وهنا امر مهم يجب ان ننتبه له ان بعض الناس او بعض السفهاء عندما يدخلوا الى هذا المكان الذي هو مكان لقضاء الحاجه بعد او قبل ان يقضي حاجته وينشغل بالكتابه على جدر الحمام يكتب اما يمدح اما يسب او يعلق او ما الى ذلك كتابات كثيره حتى ان بعض الحمامات من أراد من السفهاء الآخرين أن يكتب لا يجد مكان لأنها امتلأت تماما من الكتابات وهذا العمل فيه دلالة على أمرين على نقص عقل فاعله وسوء أدبه أمرين يدفع هؤلاء السفهاء إلى الكتابة في جدران المراحيض والحمامات نقص العقل وسوء الأدب. Et il est des choses très importantes à ce niveau-là aussi, c'est que certains insensés, quand ils rentrent dans les endroits, les toilettes, on va se soulager, etc., avant de faire son besoin ou après de faire son besoin, ils commencent à écrire sur le mur. Soit il insulte, soit il commente, soit il dit des choses et il écrit. Donc dans certaines toilettes, tu n'as plus de place dans les murs. Tellement que certains autres insensés veulent écrire, ils ne trouvent plus la place. Et ce genre d'actes prouve deux choses. Que ces personnes sont diminuées au niveau de leur raison. Deuxièmement, c'est un mauvais comportement. Ceci émane de quelqu'un qui a le mauvais comportement et quelqu'un qui est diminué au niveau de sa raison. أما نقص عقله فإنه حينما كتب لا يدري أين هو لأن المكان هذا مكان قضاء الحاجة مكان التغوط مكان البول وما قضاء الحاجة مكان قضاء الحاجة ليس مكان لا للكتابة ولا للقراءة ونحو ذلك مكان لقضاء الحاجة يقضي الإنسان حاجته ويخرج بمجرد قضاء الحاجة هذا الذي جلس يكتب ناقص عقل الذي يجلس في هذا المكان يقف طويلا يكتب كلمات هذا بقطع النظر عما يكتب أما إذا كان يكتب شتما للآخرين أو سبا لهم أو نحو ذلك فهذا إثم على إثم وسوء على سوء وبلاء على بلاء فهذا نقص العقل. La diminution de leur raison, c'est que quand ils sont en train d'écrire dans cet endroit-là, ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas où ils sont. Ils sont dans des toilettes dans lesquelles on vient pour ruiner et pour faire son besoin. Et que les toilettes, ce n'est pas un endroit pour écrire, ni un endroit pour lire. C'est un endroit pour se soulager, pour faire son besoin, évacuer les déchets et sortir. C'est un endroit de déchets. Et donc ceux-là, ils sont diminués au niveau de leur raison. Ils restent un grand moment à l'intérieur en train d'écrire. En faisant abstraction de ce qu'il est en train d'écrire. Parce que des fois, il va insulter. Et écrire des choses, des insultes, etc. Et donc celui-là, mal sur mal. Péché sur péché. Il accumule. Il fait l'accumulation. Et t'imagines, certains, ils disent, moi, dans les toilettes, je mets des bandes dessinées, je lis. Qu'est-ce que tu lis? Eh bien, dans l'endroit, il est fait pour que tu rentres, tu vas que tes déchets et tu sors de là. Tu n'as rien à y faire. وَسُوءُ أَدَبْ هَؤُلَاءِ أَنَّهُ لَمْ يَتَأَدَّبْ مَعَ إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ عندما جعل هذا المكان بهذه الطريقة المشوهة بالكتابة. وحقيقة هذه من المناظر المؤسفة والصور المزرية التي تنتشر في كثير من الأمكنة من سفهاء العقول وناقص الآراء والتفكير يكتبون كتابات كثيرة على جدر الحمامات وأبواب الحمامات يكتبون عليها كتابة كثيرة فهذه من الأمور التي يحذر منها ويحذر منها Et leur mauvais comportement, il est dans quoi? Fait que ceux-là, ils n'ont pas eu un bon comportement avec leurs frères en islam. Quand ils ont défiguré cet endroit, ils l'ont rempli d'écritures dans lesquelles il y a des insultes et des dessins horribles, ou là des dessins obscènes. Hein? Et ça, ça fait partie des mauvaises images, des images regrettables, hein, qui se propagent un petit peu partout par ces insensés qui n'ont pas de comportement. Ce sont des insensés qui sont limités dans leurs opinions et qui n'ont pas de comportement, hein, à salir, hein, les endroits et à les remplir d'images obscènes, d'insultes et ainsi de suite. Ce sont des choses auxquelles on doit faire attention et on doit avertir contre ce genre d'actes. وعلى كل حال فهذه بعض الآداب حول قضاء الحاجة وهي تبين لك أخ الإسلام عظم أمر هذا الدين وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما من خير يعلمه إلا وجه الأمة إليه وما من شر يعلمه إلا حذر الأمة منه وربنا يقول في حق هذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en tous les cas, ça, ce sont certains comportements dus pour faire son besoin, pour ruiner ou pour se débarrasser de ses déchets. Hein? Et ça, ça nous prouve la grandeur et la majesté de cette religion, la noblesse de cette religion, la noblesse des comportements, hein, enseignés par cette religion. Et la noblesse de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit cette religion dans le hadith, dans la traduction du verset. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait. Je vous agrée l'islam comme religion. Et notre messager alayhi salatu wassalam, tout bien qu'il connaît pour la communauté, il l'a orienté vers cet acte, vers ce bien, pour qu'il le mette en application et pour qu'il soit à l'aise. Et qu'il puisse avoir le bonheur dans ce bas-monde et dans le-delà. Et tout mal qu'il leur connaît, il les a avertis pour qu'ils en fassent attention et qu'ils n'encourent pas la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi-asma'i al-Husna, wa sifati al-Ula, j'alna wa iyaakum alladhina yastami'una al-qawla wa yastami'una ahsana, wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khairan.